Vous voyez pas très bien. En tendant votre torche, vous devinez hein, la surface de l'eau et en gros ça vous dévoile à peu près quoi, une 5-6 mètres enfin, au loin au niveau de la citerne. Mais au-delà, vous devinez, c'est le noir absolu. Et vous entendez par moment le clapotis de l'eau. Et d'ailleurs, vous est parvenu plusieurs fois un espèce de souffle. Voilà. De souvenir, vous aviez essayé de longer du coup ce petit passage qui était sur le long des murs, c'est ça? Allô? Bah, on s'est arrêté pile en fait à ce moment-là, Voilà, c'est-à-dire c'est ça. que on a commencé à longer, c'est là où moi j'ai remarqué l'hôtel, le bruit, etc. Donc en fait on était là. Eh ben on y est alors. Du coup, ben, tu remarques du coup, frère David, cet hôtel. Donc du coup, de par tes compétences, effectivement, tu remarques tout de suite que c'est un hôtel qui a pu servir à invoquer une créature ou quelque chose de mystique ou que sais-je. C'est quand même assez occulte, assez satanique, selon tes connaissances. Maintenant, est-ce que ce rituel a vraiment fonctionné ou pas? Tu peux pas vraiment le dire. En tout cas, de par tes connaissances, si le rituel a fonctionné, bah, vous êtes peut-être probablement au devant d'un gros problème. Accessoirement. Qu'est-ce que vous faites? Il nous explique la situation, frère David. Oui, hein, évidemment. Mais je l'avais même dit. Enfin, en gros, je disais en direct ce que j'avais vu, quoi. Donc Du oui, coup, oui, faut-il oui. saccager cet hôtel? Excellente Le question. détruire. MJ, selon mes savoirs, est-ce que saccager l'hôtel a un quelconque effet dans les croyances occultes? Énerver la créature. Oui. Honnêtement, tu penses que détruire l'hôtel ne changerait à ce moment-là du process ne changerait absolument rien à la situation. Ok. Donc non, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Écoute, là-dessus, la créature, elle est pas ici en tout cas. Et je sais même pas si c'est. Enfin, je sais même pas quoi croire en réalité. On devrait juste quitter cet endroit et ouais, éviter et faire attention où on met les pieds. Tel était notre but, je suis d'accord, avançons. Bah, on va rester un peu plus vigilant hein, maintenant qu'on sait qu'il y a quelque chose qui rôde. Effectivement, donc vous continuez à avancer le long. Vos torches, comme je vous l'ai dit, ont une portée plus ou moins importante. C'est sympa, mais pas ouf, quoi. Vous voyez quand même que la citerne est assez conséquente. C'est quand même plus gros que la citerne que vous aviez visitée la première fois, là où vous aviez eu les déboires avec les autres soldats. Vous allez me refaire un jet d'écouter, s'il vous plaît. C'est bon. J'ai fait une bonne réussite. C'est bon aussi, 16 sur 20. attends, je cherche écouter. Hein. Enfin, dans tous les cas, j'ai fait 29, écouter. Mais je l'ai pas en compétence. Je dois avoir le minimum. C'est des 25, je crois, non? Ou 20, parce que... 20, je sais bien. Ok, bah je vais avoir le minimum parce que je l'ai pas dans mes compétences, donc dans ce cas c'est un échec, j'ai fait 29 sur 20. Ok. Donc vous avancez, toi, frère David, bon tu es en fait plus concentré sur le fait de marcher là où il faut et de faire attention à ce qui se passe devant toi. Par contre, Martinus et toi, Renaud, plus ça va et... vous avez l'impression quand même d'entendre que l'eau c'est pas genre le simple bruit de d'une eau calme qui viendrait pour diverses raisons juste tapoter le rebord du bassin. Là ça fait vraiment comme si il y avait des vaguelettes, mais ça n'aurait aucun sens. Il n'y a pas de cours d'eau, c'est pas une rivière, donc il ne devrait pas avoir ce genre de bruit. Comme si quelque chose faisait déplacer l'eau du bassin. J'agite de façon plus ou moins importante. Pardon ? J'agite ma torche pour balayer, enfin regarder l'eau du bassin, justement. Elle est trouble ou on peut y voir. Tu vois qu'il y a des séries de vaguelettes, tu sais, d'ondes. Qui viennent de façon assez régulière ou moins régulière par moment, qui viennent taper le rebord de là où vous êtes, en fait, le rebord du bassin. Et en fait, ça te fait penser, et toi aussi, Martinus, vous savez, quand ces poissons qui viennent juste au bord des bassins et qui, en passant très vite, vous avez l'arête qui... Pff, ça déplace l'eau, en fait. Mais en plus gros, en plus fort. Oui, moi, je recule un pas. Ouais. On a un rat. Un truc assez gros, là, en tout cas. C'est pas un rat, là. C'est la bête, ça. C'est sûr. Oula. On est plus enfin on a commencé à s'avancer pour on continue là à partir en fait on est oui voilà donc là on est il faut se dépêcher pour atteindre l'autre côté là c'est ouais, pardon, j'espérais que ouais, j'espérais que c'est pas un dragon hein. Donc vous accélérez le pas pour essayer de rejoindre ce qui a priori pourrait être l'issue de secours, la sortie. Vous avez à peu près fait la moitié quand un bruit que tout le monde entend, c'est un bruit de plongeon. Comme si en fait l'eau fait d'un coup. Par contre, vous n'avait pas forcément vu où c'était. Mais une chose est sûre, c'est que l'eau, avec le bruit que ça fait, vient vous arroser au niveau des pieds. Et c'était assez important. On va dire, c'est pas un peu d'eau, quoi. C'était beaucoup d'eau. On allait de là. Vite, pressons le pas. Vous avancez encore et toi, frère David, en t'approchant, parce que tu es, on va dire, un peu en tête de groupe, tu remarques avec la lueur de ta torche que il y a une barque qui flotte un peu plus loin. Cette barque tangue pas mal, tu vois, comme si elle vient taper le bord de rebord de là où vous êtes. Et encore un peu plus loin, tu vois comme une cavité, une ouverture dans le fond. Mais ça dénote parce que tu sens quand même quelque chose de très sombre. Tu devines qu'il y a quelque chose, une ouverture, mais c'est très sombre à la fois. Je signale à mes collègues et je leur fais part de mon inquiétude. Ça peut autant être une sortie que un cul-de-sac. Vous vous rapprochez toujours et vous entendez et a priori ça viendrait de cette ouverture, frère David. Comme d'habitude, je fais part à mes amis. Vous avancez toujours ? Je crois qu'on est... Oui, oui, oui. Ok. Il y a une créature aussi à l'intérieur ? Vous voyez que en étant approché, en fait, l'ouverture est quand même assez importante. Tu arrives à reconnaître peut-être le début de quelques marches d'un escalier, a priori. Mais l'ouverture est assez importante. En gros, il faut imaginer, je sais pas, une largeur, on va dire, de. Peut-être. Allez. 3 mètres. Sur 3, allez. Mais c'est toujours aussi sombre à l'intérieur pourtant. Pourtant tu vois des marches. Mais pour une raison que tu n'arrives pas à expliquer, tu n'arrives pas à voir vraiment dedans. Vous êtes à une quinzaine de mètres de l'ouverture. Vous avancez toujours. Bon, moi, que... Oui. Je passe devant. Hein. Okay. Tu passes devant. Ce qui se passe, c'est que quand tu t'avances vers l'ouverture, tu es maintenant à 3 mètres, tu sens que l'odeur fétide qui émanait de la pièce est de plus en plus forte plus tu te rapproches de cette ouverture. Et au moment où tu te dis c'est bon, il faut y aller, c'est vraiment, on a trop tardé dans cette citerne, une patte énorme pleine de griffes apparaît dans ton champ de vision. Elle sort de cette ouverture très sombre. Ah, je recule. Cette patte, elle est. Oh, tu serais même pas. T'as jamais vu un truc aussi gros. C'est. Peut-être. Je sais pas moi. 40 cm de large. Des griffes énormes. Et tu entends un souffle puissant. Et. Bestial. Qui sort de là. Au bout de quelques instants, tu vois un museau qui commence à sortir. Et tu remarques une bête, un dragon. Mais comment dirais-je, énorme. T'as jamais vu ça, en même temps t'as jamais vu de dragon de ta vie, donc. Et il te fixe. Et il se rapproche, enfin, il se rapproche de toi juste par son cou qui s'allonge. Qu'est-ce que tu fais ? Quel état mon personnage à ce moment-là ? Il est terrorisé ou... Tu vas me faire un petit jet de sane, parce que comme ça déjà tu vas me dire ce que... On va essayer de savoir un petit peu comment tu vas gérer cette situation, parce que c'est... 70. Okay. Eh ben c'est sympa. Hop, je vais faire un petit truc d'abord. Hop. Alors, déjà tu vas à la vue de cette immonde bête satanique et venue des enfers. Tu fais plusieurs pas en arrière. Tu manques, d'ailleurs, de trébucher et de finir dans l'eau du bassin. En sachant que tu es en armure et que finir dans ce bassin avec ça, je pense que la noyade serait quasi instantanée. T'as de la chance quelque part parce que c'est assez incroyable. Tu gères quand même pas trop mal, comme on pourrait dire pour quelqu'un qui voit un dragon pour la première fois. Tu perds un point de santé mentale. Ce n'est qu'un dragon. Ça va. Voilà. On connaît un dragon en fait. Et du coup, nous aussi, on voit ça. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui étant devant, il vous a un petit peu caché la vue. Sauf que les pas qu'il vient de faire en arrière, déjà, vous ont un petit peu alerté, parce que Renaud n'est pas du genre à faire marche arrière. Hein, c'est pas le genre de la maison. Mais du coup, ça a également... Vous a également révélé la présence de cette bête. Et effectivement, vous aussi, vous voyez la bestiole, quoi, la monstruosité. Alors, je vais essayer de... Je vais vous la faire apparaître à l'écran. Hein, Du coup, on fait un jet de sane. Oui, c'est ça. Vous allez faire un jet de sane. Voilà. Bon. Non, voici ce que vous voyez. Pour relancer. Attends, fais voir. Non, bah non, t'as pas le 91. Oh punaise. Alors, si ça peut vous rassurer, moi j'ai fait 20. Donc, le dragon, bon, ça c'est une créature que je connais bien. J'en ai vu une pas plus tard qu'hier, donc ça va. Bah, après, j'ai envie de dire. Frère David, tu es bercé dans les sciences occultes. Ouais. Puis moi, je savais. Voilà, le prêtre l'a savais, dit. Il a invoqué un dragon. Voilà, et tu sais que ce dragon, a priori, serait le dragon anatolien qu'a combattu Saint-Michel. Saint-Georges. Ouais. Ouais. Par contre, alors du coup, toi, alors par contre, malgré cela, frère David, bon, tu étais préparé quelque part à voir ça, mais pas, oui, ça pas, te va que, pas vraiment. Mais quand je le vois, je lâche un Sainte Marie. Le prêtre avait raison. Voilà. Mais ce qui quand même te fait perdre un point de santé mentale malgré tout. Autant que l'autre monsieur, et, d'accord. Ben oui, alors, monsieur a eu de la chance dans les jets. Maintenant, je vois pas les jets. Je ne sais pas. Moi, je les vois, je suis sur les bois. Et si vous voulez, tiens, pour le fun, je vais laisser le jet public pour Martinus. Et vous allez voir en direct. J'ai pas le droit de relancer les jets de San, c'est ça ? On n'a pas le droit ? Ah, bah non, tu peux pas relancer un jet de San. D'accord, ok. Père 20. Attention, vous allez voir. Moi, je vois rien. Je regarde le stream. Ah oui. Alors, tu perds 3 de santé mentale, mon cher Martinus. Clairement, ta jeunesse. Ton inexpérience, voilà. J'arrivais pas à le trouver. te joue des tours, enfin forcément. Je veux dire, autant Renaud, lui, il a quand même bataillé, guerroyé énormément, il a vu des choses atroces, ce qui a pu peut-être quelque part un peu atténuer cette vision d'horreur qu'il vient de voir. Sauf que toi, Martinus, non. Déjà que avant ça, t'avais déjà été pas mal touché, hein, avec ce qui s'était passé auparavant. Là, tu y échappes pas. En gros, tu fais plusieurs pas de recul, tu te mets en dernière position, et quelque part tu as un peu ce mouvement de te recroqueviller sur toi-même, un peu, tu sais, comme le petit enfant que tu étais il y a pas si longtemps, qui avait peur dans le noir et qui n'osait plus bouger de peur que la grosse bête, le monstre, vienne le manger. Sauf que aujourd'hui, le monstre est là. Pour toi, Martinus. D'ailleurs, en parlant de monstre, celui-ci se rapproche de vous, encore et encore. Vous voyez qu'il a un peu mal quand même de tenir sur le petit chemin il vient à un moment donné faire un cri énorme, un hurlement de dragon. Alors je vais pas oser vous le faire là parce que je voilà, imaginez donc. Il s'avance inexorablement vers vous, encore et encore. Qu'est-ce que vous faites ? Il avance. Alors déjà, je hurle « Recule, bête des enfers !» Et ensuite, j'ai réfléchi. Moi, je sors mon épée tout en ayant peur, en fait, en tremblant de la tête aux pieds. Et je dis « Par Saint-Georges, nous sommes perdus !» Et je me mets en position de défense avec l'épée devant moi, comme ça. Le bouclier, surtout. Hein. Oui, et le bouclier, comme ça, en fait. Parce que là, si je comprends bien, on est d'accord sur la géographie. De toute façon, ce couloir, c'était notre seule issue. Oui. Voilà. Après, et pouvez tout à fait retourner de l'autre côté, retrouver vos amis de la cabale qui pourraient. Ah, tout à fait. Qui défonce des murs, tout ça. Ouais. Après, honnêtement, on peut emmener le dragon sur eux. Mais bon, est-ce que j'ai envie de tenter ? Je suis pas sûr parce qu'il y a le magicien là qui m'a volé la peau. Bref, dans tous les cas. J'ai envie de fuir, mais je peux pas. Du coup, j'avoue que je regarde énormément Renaud en mode c'est ton moment. non, mais moi je me rappelle de la baffe qu'on a vue et bien sûr. Suite, je dis allez vers la barque, je vais essayer tant que je peux de le retenir ou je ne sais pas quoi. Mais pour aller où ? Je sais pas, prenez la barque, on s'enfuit, on va pas rester. D'où sort le dragon ? La pièce fait à peu près sa taille, en fait. Il se déplace mal dedans, ou est-ce que c'est assez large? Ah oui, là, vous sentez que il s'est mis là, mais à la base, ce serait compliqué pour lui vraiment de se mouvoir dans ce couloir. Mais comme si, en prédateur, il s'était mis au seul endroit où il savait que vous allez. Vous pouvez y aller, quoi. Maintenant, il vous a devant lui et que la seule manière de pouvoir passer et de rejoindre l'air libre, Eh bien, c'est de l'affronter. Genre, j'étais seul. Mais c'est un héros. Est-ce qu'on est de taille face à lui? De toute façon, nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire que derrière nous, il y a peut-être pire, si on peut dire qui est sa pire. Donc, il faut trouver une solution. Il doit avoir un moyen. Déjà, repli stratégique. Hein. Oui, déjà, on recule quand même au maximum. Effectivement, on reste pas sur place. Il est pas agressif, là, en fait, juste comme ça. Il nous a pas soufflé. Ah, mais là, il avance, mais vous sentez que... ça va pas tarder, quoi. Il vous a fait un grand cri de... Imaginez le T-Rex qui fait... Désolé, je sais pas bien faire le T-Rex et je n'ai pas pensé à mettre un bruit de ça là-dedans. Mais, sur testier. Voilà, c'est... Voilà. Cerveau, ça veut juste dire bonjour, faut pas paniquer pour rien. Et ouais, qu'il avance et qu'il est probable qu'il se soit déjà jeté sur vous, mais comme la paroi, enfin le chemin est très exigu pour lui, bah, il y va doucement, enfin, tu sais, comme si pour pas qu'il tombe. Mais sachez qu'il est pas loin de vous. Alors, soit vous vous mettez à courir dans l'autre sens. Soit il faut faire quelque chose. Déjà on a reculé et il est possible qu'on aille chercher la barque. Moi, pendant qu'on fait ce repli stratégique, dans tous les cas on recule, qu'est-ce que je sais sur ce fameux dragon et surtout sur comment Saint-Georges l'a terrassé dans les légendes, quoi. Genre, je dois connaître ça, évidemment. Non, tu le sais, en fait, il l'a terrassé grâce à sa lance. D'ailleurs, sa lance, c'était un artefact ou c'était genre sa lance, tu vois? Non, après. Mais là, il est pas très bon mort, le dragon, tu vois. Oui, dans mes pensées. C'est devenu peut-être un artefact par la suite, car. Oui, tout à fait. Mais à la base, c'était une lance. Ok. Quoi. Donc, c'est uniquement avec l'amour de Dieu qu'il a vaincu ce dragon. Exactement. Et vous êtes plein d'amour de Dieu, a priori. Bah oui, non, bah, tout à fait. De toute façon, s'il y en a un ici qui n'aime pas vraiment Dieu, bah, on le saura assez rapidement. D'ailleurs, vous commencez à noter que... vous commencez à voir au fur et à mesure qu'il n'a pas que des pattes, mais il a également des ailes. Des ailes qui commencent un peu à pouvoir peut-être se déployer. Je me tourne vers mes amis et je leur dis « Saint-Georges était seul, nous sommes trois. Trois et Dieu avec nous. On peut le faire. » Je ne sais comment, mais on peut le faire. Tu nous as parlé de la lance et tout ça? Enfin, nous, on la connaît aussi, cette la légende de Saint-Georges. En fait, vous, Martinus et Renaud, vous remémorez un peu ce que vous avez rêvé, ce que vous avez vu en rentrant dans l'église Saint-Marcus, puisque en fait, vous avez vu, il y avait une grande fresque à l'entrée et on voit justement Saint-Georges en train de terrasser le dragon d'Anatolie avec justement la lance qui montre bien cette lance qui pourfend le dragon et qui le transperce, quoi. D'accord. Voilà. Je rengaine mon épée et je sors ma lance, du coup. Tu n'as qu'un seul essai, Martinus. Vous commencez pendant tout ça à sentir une odeur de soufre. Vous commencez à voir la gueule du dragon légèrement s'entrouvrir. C'est le moment, c'est là qu'il faut taper. Je tout effrayé, je m'en vais pour lui asséner un coup de lance, du coup. Il s'est vaporisé. Allez. C'est ça. et le jeune Martinus meurt ainsi. Je veux dire, il y a l'armure normale rougie, mais toi, tu seras plus là. Hein. Quand je vois partir, je lance une bénédiction. Que Dieu te garde parmi les siens. Tu te feras comme très bien. J'y crois. Allez. Le dieu d'Aidé, là. Alors, attends. C'est pourquoi on fait ça avec Martinus. Vas-y. Martinus. Bah, le seul qui a une lance. Non, oui, j'en ai une aussi. Mais ouais, mais fait... Bon, s'il meurt, t'y vas après. Non, fait, mais... moi je prends la poudre d'escampette. Alors, ce qu'on va le faire, voilà. C'est que Martinus, tu vas me faire un jet de chance, s'il te plaît. Oh. Parce que dans l'an, j'ai lancé. Non, non, fais-moi un jet de dex. Fais-moi un jet de dextérité. Fais-moi un jet de dextérité. Il est en armure. Ouais, fais-moi 70 sur 70, c'est bon. Oui. Tu vois, il fait des manœuvres extraordinaires avec l'armure de plate. Ok, alors. Donc tu vas pour essayer de lancer ton attaque de lance, c'est ça? Oui. Ok. Au moment où tu t'apprêtes à lancer ton attaque, tu es surpris par le dragon qui... avec la longueur de son cou. En fait, tu te rends compte que depuis tout ce temps, il était très sur lui-même. Et d'un coup, tu vois son cou se rallonger, s'approcher, sa tête pivoter, sa gueule s'ouvrir. Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi quelque chose. Parce que là, si elle se referme, elle va faire bobo. Je plante la lance dans sa gueule, en fait. Donc, il faut que tu me fasses un jet... Fais-moi un jet de... Non, fais-moi un jet d'esquive parce que ta dex. Après, j'ai pas le scénario déjà. Voilà. Fais-moi un jet d'esquive déjà pour voir si tu vas réussir à esquiver. Ah ouais, ou un jet de prière si tu veux. Ah, bon, moi je peux faire le jet de prière si tu veux. Aidez-le. Le jet d'esquive, allez. Allez, le jet d'esquive. Spiritus Sancti. J'utilise mes points de chance. Ah, est-ce que tu veux pas relancer comme un gros. Non. Attention, non, parce que là, il a que 35, hein, donc c'est tendu du slide. Hein. Ouais, non, j'utilise mes points de chance. Oui. C'est que même en utilisant tes points de chance, ça pourrait ne pas suffire. Donc là. Alors que si tu relances. L'autre, il veut vraiment se faire qu'il se fasse becter, quoi. Mais non. Oui. Ok, donc tu dis que tu es avec moi, futur. D'accord. Eh bien, tu. De justesse. Tu. Non, j'ai presque envie de changer la musique parce que celle-là, elle est un peu trop. Elle fait pas assez. Ça se fight, tu vois. Ouais, on va mettre ça, pas. C'est mieux. Non, tu sais pas, tu l'entends pas, mais moi, je. C'est ouais, mieux comme ça. J'ai mis l'album de Battle for Azeroth sur YouTube. Donc du coup, tu vois cette gueule immense, béante venir. Donc tu vois les crocs, enfin, comme jamais t'en as vu. Genre en gros, ta main c'est une dent quoi. Tu vois, qui vient en gros venir te saisir. Et toi, t'as juste le temps de faire un pas en arrière pour esquiver. D'ailleurs, t'as la laine fétide. Du dragon et cette odeur de soufre qui vraiment mais est ignoble. Écoute, ben, tu as réussi à esquiver, maintenant c'est à toi de jouer, mon ami Martinus. Et je plante du coup ma lance dans son palais. Donc, c'est pas possible, je relance. Ah, t'as fait combien? 93. Il a fait 93. Tu me fais peur. Okay. C'est pas possible. Oh, tu non. Commences. Pourquoi Martinus? À essayer de lui donner un coup de ta lance. Sauf que ce qui se passe, c'est que malheureusement pour toi, dans cette précipitation, tu ne vises pas forcément un endroit stratégique. Et les dragons sont quand même réputés dans les mythes pour avoir une peau très dure, dure comme de la pierre. Et ce qui se passe, c'est que ta lance vient se briser sur sa carapace, sa peau. Bon, moi je dis cours. Et en même temps, allez, je vais profiter, je vais faire le héros un peu. Bah moi, je vais la lancer, ma lance. Tel un javeline. Ok, et je vais d'accord. Essayer de viser l'œil. Fais-moi un jet. Bah, J'ai 20% lancé. Mais là, je dois être loin et je vise l'œil. Donc tu me dis si c'est vraiment 20% ou si c'est mort. Moi, j'y crois. Oui, 95. Allez. Tu la lances sur moi. Non, au point où on en est. Sur Martinus. Non, au point où on en est. J'ai envie de relancer. Et j'ai envie de dire, si je relance et que je rate, bah Martinus, tu te prends la lance, mais au moins tu mourras pas vaporisé. Bah, je préfère mourir vaporisé en fait. Je pourrais avoir une attaque dans le dos. Non, tu vas mourir par la main de ton ami, t'inquiète pas. C'est comme ça que Jésus est devenu saint. Fais confiance. Martyr, tu vas devenir martyr. Tu relances un jet sur 20%? Ouais. Mais ça a aucun sens en fait. T'as la chance d'y arriver. Oh, j'ai peur que. Non, mais c'est le public, moi, pour la fondation. Et le public a retenu ça, hein. Ils croient pas, mais j'ai beaucoup de chance, moi. Écoute, moi je regarde pas, j'entends pas. Gilles, regarde ce que je t'ai écrit. Ah oui, c'est le moment où Gilles va arriver héroïquement. Ouais. Enfin! Avec les cavaliers du Gros Nord. Oui, tu as besoin d'aide. Renaud, tu lances ta lance de toutes tes forces. Seulement, ce que tu n'avais pas prévu, c'est justement que Martinus allait faire ce pas de côté. Ce pas de côté qui n'aurait pas dû faire, car ta lance, eh bien, vient se planter dans son mollet. Ça va, c'est le mollet. Tu sens, Martinus, une pointe. Tu ne pensais pas que c'était cette pointe-là allait te transpercer. C'était une pointe en fer. J'ai paniqué, chef. Et une douleur très vive. Et tu tombes au sol. Quand je vois ça, je fonce au niveau de Martinus. Et mon but, c'est de combattre tous en retraite. Là. Enfin, genre, je pense, il faut qu'on combatte en retraite pour le moment. Donc moi, je fonce sur Martinus. Moi, je leur crie fuyez, fuyez, quand même. Et ben, je cours vers toi. Vous êtes déjà au sol. Moi, j'aurais dire, on peut faire des pourparlers, non? Du coup, vous commencez à attraper Martinus. Oui. Toi, Renaud, tu es en même temps à la fois désolé d'avoir fait ce truc. Et tu commences à tirer. Seulement, en fait, au moment où vous commencez à tirer, vous voyez une patte immense poser sur les jambes de Martinus. Il va perdre ses jambes, son tir. En gros, tu vois les pointes de ses griffes, les pointes de ses griffes qui viennent racler ton armure, Martinus. Ton armure qui grince, qui est... Moque-toi, mais tu peux prendre la lance qui est dans ton genou et la planter dans la créature. Ok. Ce qui se passe, c'est que vous avez beau tirer. Martinus ne bouge plus en fait, il est coincé. Martinus, tu as face à toi le regard noir et du dragon. Tu vois son museau, sa gueule qui s'approche de toi. Vous avez lâché, vous êtes reculé de manière mécanique parce que c'est trop fort pour vous. Vous ne pouvez rien faire. Martinus, la gueule du dragon s'ouvre devant toi. De la bave dégueulasse se coule sur le plastron. Et tu vois sa gueule descendre. Alors, comme si c'était au ralenti. En réalité, ça va très vite. Et c'est le moment où tu te dis « Ok, c'est fini. Quelles sont tes dernières pensées, Martinus ? À quoi tu penses à ce moment-là ? » Je pense à ma douce fiancée que je ne reverrai plus. Que j'ai quittée alors qu'elle attendait mon fils. Tant attendu. Et j'espère que mes compagnons, au moins, auront la chance de pouvoir vaincre cette créature ou s'enfuir. Ok. Au moment où la gueule commence à se rapprocher de toi, tu, de façon assez mécanique, tu fermes les yeux. Tu te dis, ça y est, ma vie est finie, à peine commencée. Je n'ai pas pu faire valoir l'honneur de ma famille. Mais bon, soit, autant que je meurs en pensant à celle que j'aime. Et au moment où tu sais que tu vas mourir, tu entends un... Vous, Renaud et frère David, vous entendez autre chose. Tirez ! Et des bruits de... retentissent. Et d'un coup, Martinus, tu vois cette gueule qui était sur le point de se fermer sur toi, s'ouvrir d'un coup et crier et partir en arrière. Vous voyez la bête tomber dans l'eau, refaire un pas de recul. Renaud et frère David, vous avez eu le temps de voir que des flèches viennent de se planter dans la bête, dans son dos. Et c'est là que vous apercevez, de l'autre côté du tunnel, de l'autre côté, là où vous vouliez aller, Gilles de la Grave, accompagné de 5 hommes. Salut Gilles. C'est tout ce que ça fait. Ils te voient arriver, mais ils sont là. Bon, on dit rien. C'est... T'as pas une petite phrase, genre la cavalerie est là, ou Taillot, mon joie, suce au dragon. Il est là, Gilles ? Bah ouais. Là, on n'entend plus. Ah, il est dans l'émotion. J'essaye de parler. J'essaye de parler. J'essaye de parler. Tu peux, vas-y, parle, continue. Et... Eh oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Vous m'entendez? Savoir que... Ah, ça oui, y est. Oui, oui. Ça fait 5 minutes que j'essaye de parler. Vas-y, fais-toi plaisir. Eh oui, à l'époque des croisades, Discord ne fonctionnait pas super bien. Il n'y avait pas de super. En sachant qu'en plus, vous êtes dans une citerne et donc les connexions. Ouais, ça capte mal. Ah, c'est pas foufou, tu vois. Gilles, posez cet ordinateur et venez avec nous. En tout cas, Martinus, en attendant que Gilles, tu es complètement pétrifié. En gros, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. Est-ce que tu es mort? Est-ce que... Enfin, voilà. Là, tu es en état de choc total. D'ailleurs, tu pourrais presque me faire un petit jet de santé mentale pour savoir dans quel état vraiment tu peux être. C'est le Moyen-Âge ici. Vous m'entendez ou pas? Justement. Oui. Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. 62 sur 69. Bon. Je bouge plus. Ok. Alors, il faut que je trouve un endroit où je capte là, parce que même la 4G, c'est pas terrible. Bon, alors vous comptiez terrasser un dragon sans moi? Non, Sainte-Marie, vous tombez à pic. Sus. Il faut croire que... ils auraient pu, ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Ah non, non. Après, j'ai envie de te dire, Gilles, je pense que vous avez compris que cette... petite volée de flèches ne sera peut-être pas suffisante pour se débarrasser de cette bête. Elle est comment la bête là maintenant du coup? Alors, vous l'avez vu disparaître, en gros, dans les eaux. Mais très vite, vous voyez que l'eau se remet à bouger. Vous notez d'ailleurs vous savez, les petites cornes, les petits trucs qu'il y a, les petites arêtes qu'il peut avoir sur le dos qui commencent à réapparaître au niveau de l'eau. Et ce que vous notez, c'est que... Vous n'auriez pas le temps de sprinter vers la sortie ? Il y a pas de sprint. Martinus est complètement prostré en position de fœtale. En gros, pour lui, il est toujours peut-être aux prises, aux mâchoires de la bête. Ça va être un peu compliqué pour lui de se mouvoir par lui-même, en tout cas. Oui, il va falloir qu'on l'aide. Hein. Mais par où fuir Gilles, vous venez bien d'un endroit. C'est devenu sûr en haut ? On dit ça d'un air calme. Oui, on peut sortir par là. Allons chercher Martinus et fuyons. Ouais, Martinus, allez, je te coupe la jambe. Il a dit qu'il s'est mis en arrière, du coup je suis plus. Ouais, mais au coin Martinus, on le chope et on recule. Quoi. J'envoie les hommes aller l'aider à se remettre sur pied et à sortir vite d'ici avant que le dragon rapplique. Quoi. Bah d'ailleurs, en parlant du dragon, vous finissez par le voir sortir de l'eau grâce à ses petites ailes. Petites, hein, trois fois rien. Hein. Qui brasse du vent dans tous les sens et il décide rien que ça de plonger en piqué sur les hommes qui sont venus aider ce pauvre Martinus blessé. Et il a la bonne idée d'en choper un dans ses griffes qui immédiatement se fait déchiqueter et limite découpé en morceaux par les griffes et la mâchoire du dragon. Que faites-vous ? Putain, mais moi je me tire quoi, vraiment. À part tous les seins, ça me tombait vraiment dans la gueule du dragon. T'es de son festin. Alors vous savez que il est. Quand même, au niveau de Martinus, les hommes se sont reculés. Il y a une petite distance parce qu'en même temps, il a quelque chose dans les griffes, mais il est quand même à proximité. Les hommes, ça les a complètement pétrifiés. Vous voyez qu'ils sont pas bien quand même. Hein. Donc, est-ce que vous faites ? Est-ce que vous tentez quelque chose pour peut-être essayer de le faire reculer pour le temps que vous puissiez récupérer Martinus ou vous faites taillot, vous foncez dans le tas, vous attaquez, vous défendez votre honneur de chevalier, de la foi de Dieu. Dieu est avec vous. Saint-Georges a tué le dragon, pourquoi pas vous ? Je crie courage, courage soldat, tenez bon. Bah, tu vois certains qui reprennent force et honneur et qui commencent à sortir leurs épées et quasiment au contact essayent de frapper le dragon du mieux qu'ils peuvent. Vous voyez que bon, c'est quand même pas évident, la bête est quand même assez costaud, mais vous arrivez quand même à noter que le tranchant des lames, malgré tout, arrive quand même à entamer par endroit la bête, donc en fait il est peut-être pas si invincible que ça. Maintenant c'est à vous de voir. Moi je serai pas là pour en juger. Moi je fais putain le lâche. Moi je fais taillot parce que comme depuis le départ de toute façon c'était mon idée de foncer pour choper Martinus, donc choper Martinus ou défoncer le dragon ça aurait été au même, donc pour le dragon. D'accord. Eh ben, je vais vous demander du coup de ceux qui peuvent d'aller tirer par vous-même Martinus, puisque Martinus en fait est derrière les gardes qui eux, enfin les soldats qui étaient avec vous, qui eux sont aux prises au dragon. Hein, ils sont quatre à essayer de taper sur lui du mieux qu'ils peuvent. Et en gros, derrière eux se trouve Martinus, et vous êtes juste derrière. Donc, en gros, si vous arrivez à temps et que vous arrivez à le choper, vous pourrez peut-être avoir une chance de quitter les lieux sans que. En fuyant le combat, hein, comme des lâches, des couards, mais vivants. Moi, je n'y tiens pas. Moi, je vais me mêler aux hommes pour les soutenir dans ce combat ce soir. Nous raconterons comment nous avons vaincu le dragon. Eh bien, c'est bien. Tu voyais, vous voyez Gilles qui court bravement avec ton épée au poing, ou quelle arme veux-tu? Okay, donc, épée évidemment au poing. Oui, je lâche l'arbalète et puis je sors l'épée. Il fonce fièrement avec bravoure dans le tas. Et vous deux, qu'est-ce que vous faites? Vous courez chercher Martinus et vous filez comme des petits lâches que vous êtes. Moi, je faisais dragon. J'ai pas dire 6 fois. Ah, ouais, pardon, mais oui, ça fait 20 fois. C'est pas de ma faute dans cet état, Martinus, je viens de chercher. Bon, ok, d'accord. Bah, dans ce je cas-là. Je vais mon bouclier et j'essaye de le protéger au cas s'il y a des coups ou des trucs comme ça. Ok, donc frère David suit Gilles avec son espèce de massue à la main. Pendant que Renaud, qui j'affronte pas la créature, a peur de cette bête. Bah, j'ai bien vu que sa peau était aussi dure qu'une armure, donc. Ok, Gilles, tu vas me faire un jet d'épée du coup. Ils courent à leur perte. Et Dieu m'a abandonné, moi. J'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais voilà, c'est tout ce que j'ai entendu. Ouais, non plus. Pendant ce temps-là, avant qu'on ait la réponse, fais-moi de même, frère David. Si tu l'attaques aussi. Des coups de masse. 16. Poum, poum. 16, ok. Un frère David se ragaillardit contre le dragon. Hein. J'ai 15. 16. 15. Putain, mais vous êtes des Golgoths là, les gars. Non, pas moi. Frère. Bah quoi, frère David, il est quand même sacrément badass, non? Avec son. Oui, mais non, mais c'est Martinus qui disait non, pas moi. Ah, attends, j'ai cru que c'était frère David qui disait. Alors attends, frère David, du coup, t'as ton équipement. Il faut qu'on fasse tes dégâts avec ta masse d'armes. Du coup, c'est un. D6 ça gêne. Plus ton imp, donc plus un D6 plus un D4, s'il te plaît. Ok, alors un D4. Et donc pour Gilles de la Grave, on est là. Sur. C'est pareil. Un D8, okay. Un D8 plus. Ah ouais, c'est un D8. Un D4. Un D8 j'ai plus fait un D4. 9 de dégâts, parce que j'ai fait 6 et 3. 9. Eh ben, dis donc. Donc, six, vous voyez que c'est tous les deux. Ça fait 8. 8 et 9. Okay, c'est pas mal. C'est pas mal. Facile. Pas mal. Vous. En fait, on va dire que dans l'ordre d'arrivée, dans un premier temps, bon, la bête était aux prises des 4. Vous voyez que d'ailleurs, 1, 2 est tombé. Donc, ils ne sont plus que 3. Et les trois autres sont quand même mal en point. Pendant ce temps-là, eh bien, il y a Gilles qui fonce vaillamment en direction et qui arrive simplement avec son épée à trancher, en gros, une partie de l'aile du dragon qui, du coup, perd forcément de l'assurance en vol et, du coup, est obligé de se poser sur l'espèce de petit chemin, enfin le petit sentier de côté. C'est au même moment, frère David arrive avec sa masse et vient frapper, vous voyez frapper de toutes ses forces la tête Du lézard. Du dragon. Du dragon. Qui, en gros, son œil, un de ses yeux, en fait, explose littéralement. Oh, vous voyez qu'il commence à hurler. Quoi ? Encore un œil qui explose. Avec l'autre là qui explosait, ça me. J'en ai marre. C'est dégueu. Alors attendez. Donc, vous voyez que le dragon est quand même mal fichu. Il a son aile basse, son œil qui part en sucette. Il va quand même essayer une dernière fois, enfin une dernière fois ou pas, de niaquer. On va alors, il va essayer de niaquer. Bim. Ok. David, frère David, tu es celui qui est le plus près. Tu viens de lui asséner un coup. Tu vois que sa mâchoire vient s'ouvrir devant toi. Alors, attends. Hop. Ah, il va faire œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent, c'est ça. Attention. Bon, après. Bon, c'est. Ok. Tu vois que sa mâchoire s'ouvre. Elle s'en rapproche dangereusement de toi. Fais-moi une esquive. Ok. C'est quoi déjà la valeur d'esquive ? C'est. Attends. Je vais te dire ça. La moitié de la dextérité, je crois. Sans dire connaître. C'est ça. C'est okay. Ça, je crois, oui. Après, ceux qui sont là, n'hésitez pas à me dire, hein, Abo. C'est ça, j'ai 35 en esquive. Ouais. Ok. Eh bien. C'est une réussite sans faille parce que j'ai fait 90. je vois pas ce qui peut mal se passer. Relance, okay. Relance. Ouais. Sur 35, je me cache après tout. Dans la gueule du dragon. Putain, j'ai peur. Peur de ce que. Ouais, vas-y. Pour rigoler, j'ai lancé mes dés pour voir ça faisait quoi si j'aurais relancé. J'ai fait 86 après, donc j'ai bien fait de pas relancer parce que. Ça aurait été terrible. Alors, déjà, il va me crignaquer. Dans d'où je préfère perdre un bras, hein, si jamais je peux choisir. Un doigt. Un doigt. Hein. Ouais, voilà. si jamais je sens vraiment que c'est foutu, genre, et que j'ai le choix entre laisser ma jambe ou le bras, tu vois, je sacrifie le bras. Voilà, comme ça, tu sais. Parce qu'avec un bras en moins, je peux encore me battre. Ouais, c'est ça. Je peux toujours me battre avec un bras en moins, pas avec une jambe en moins. Tu m'as tué juste ton sang, ça, c'est une autre histoire. Oui, bon, ça. Alors, donc on a dit que c'est. Ça. Ouf. Oh, punaise. Plus. Je sais plus comment tu fais dans ce truc-là pour faire plusieurs d'un coup. Ah bah tu mets le chiffre avant, tu en mets plusieurs. Il me croque plusieurs fois. Quel enfoiré. Tu fais normalement slash R et tu mets au lieu d'un ouais. D, tu mets 2 dés. Tu mets plusieurs dés. Parce... En fait c'est dans ta macro de base, il faut le changer. Mais quand tu cliques dessus... Ah non, d'accord, j'ai eu peur. Hein, j'ai... Alors, j'ai attends, fait un sang en plus, mon gars. Ah ouais. Alors attends, je vais regarder ta fiche, mon jeune frère. Tu veux quoi ? Dis-moi. Si tu veux savoir mes points de vie, c'est ça ? Tu veux savoir autre chose ? Dis-moi ouais, tout. Ta cote de maille. Non, parce que les points de vie, il faut prendre en compte que j'en ai déjà perdu. Hein. Je suis à 9 sur 14. Bah, t'es bon. Ah ouais, t'es à 9 sur 14. Ok. Parce qu'on se fait pas soigner. Oh putain. Bah tu vois, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est pas grave. C'est le jeu. Je prendrai note de ce qui se passe quand même pour la suite de la campagne. Ok. T'inquiète. Tu vois que la mâchoire vient se refermer sur toi. Malheureusement, vous voyez. Frère David se faire happer par une mâchoire géante. Tu sens en gros que ta côte de maille tente de résister à la pression. Tu as ta cage thoracique qui en gros est comprimée, un peu écrasée par le poids du truc. Je vais vous laisser à une personne la possibilité de faire une action pour essayer de peut-être faire changer la situation. Mais si c'est raté, c'est le jet de destin. Malheureusement. Je veux que ce soit Martinus, il a de la chance en ce moment. Non, Martinus, il est déjà en train de subir. Bah logiquement en termes de roleplay, ce serait Gilles. Hein. Ouais. Donc logiquement, Gilles, tu as une action. Je te laisse faire une action pour essayer de sauver ton camarade. Eh ben, j'y retourne à grand coup d'épée. J'essaye d'embrocher. Bah, je sais pas la partie du corps qui est à portée. Si je peux lui embrocher directement dans le cœur, ça serait parfait. Ok, et eh bien écoute, je te laisse te faire ton jet. Je refais un 15. Pas ok, bah fais-moi tes jets de. Tes dégâts. Les dégâts. Donc un D8 plus un D4. Le D8. Pas terrible, 2 et 1. Oula, minimum. Hein. Bon, je l'ai fait 3. Fait 3. J'ai fait 3. Alors, ce qui se passe, c'est que t'arrives à toucher le dragon. Tu le blesses assez pour que il desserre un peu la pression que pouvait avoir ça pouvait avoir sur toi, frère David. Tu sens que la pression se lâche un peu. Et c'est là que tu vas me faire un jet de chance pour voir si. Il l'ouvre assez pour que tu puisses sortir de l'étreinte. J'ai combien en chance déjà? Attends, je cherche ma chance. me saoule cette fiche. j'avais 85 en chance. Oh, pas mal. Non, ça va, tranquille. Ouais, tu as beaucoup de chance de pouvoir t'en sortir. Mais tu peux ne pas t'en sortir. Eh ben écoute, cher MJ. Bon, c'est dommage, moi j'étais prêt à mourir parce que je trouvais ça rigolo pour une fois de connaître la mort en JDR, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Parce que j'ai fait 4, hein. Alors du coup je vous emmène. Ah. Et je rentre chez moi. Merde, je rentre à ma mère. Il faut croire que la chance est avec toi, effectivement, puisque. Non, Dieu est avec moi. Ou Dieu, oui. Dieu ou la chance, certains diront que Dieu, tu as vu une lumière venir éblouir l'œil encore valable du dragon, car effectivement il ouvre d'autant plus sa gueule que ça te fait littéralement tomber au sol. Par contre oui, tu as énormément trinqué. Hein, qu'on se le dise, hein, tu es vraiment mal en point et seuls peut-être tes camarades pourront te sortir de là car honnêtement ça va être difficile de te mouvoir tout seul. Pendant ce temps-là, vous voyez Renaud qui tire Martinus du mieux qu'il peut pour l'amener derrière, pour qu'il soit plus au contact. Martinus qui lui est toujours un peu dans un état catatonique, c'est vraiment... il sait pas où il est, hein. Il est vraiment de s'accrocher. Que c'est pas aujourd'hui qu'il va mourir, hein. Même si tous les événements auraient voulu qu'il soit terrassé. Alors, pendant ce temps-là, deux des soldats vont essayer de faire quelque chose. Alors, il y a un soldat, littéralement, il se chie total. Bon, il essaye de. De frapper le dragon, sauf que le dragon, en fait, avec sa mâchoire, enfin son museau, le pousse et il tombe. Attendez, il tombe dans l'eau. Vous voyez d'ailleurs qu'il commence littéralement à couler parce que son armure étant trop lourde pour. Littéralement, il plonge dans les profondeurs du bassin. Par contre, le deuxième, lui, a vraiment gardé l'ouverture. Il a le... Vu que le dragon a poussé sa tête et s'est exposé, vous voyez le soldat qui plonge son épée littéralement presque dans le cou de la bête. Ah ça. Bien joué, soldat. Celle-ci, en gros, tellement que la, son épée reste coincée à l'intérieur. Et vous voyez la bête qui hurle de douleur et qui plonge dans l'eau. Et quelque chose vous dit que vous la reverrez peut-être pas après ça. Mais là-dessus, je dis aux soldats d'aider le frère David à sortir d'ici. Et je surveille les arrières en reculant, quoi. Je garde l'œil là où se trouvait le dragon pour voir que, quand même s'il ressurgit. Tu vois que la surface de l'eau est, malgré la pénombre, est plus sombre. A priori, c'est peut-être du sang qui vient flotter à la surface de l'eau. L'eau, tu vois qu'elle est, après le plongeon et d'avoir tout ce remue d'eau, tu vois que petit à petit, l'eau commence à se stabiliser et bientôt arrive à plat. Martinus, tu commences un peu à reprendre tes esprits. Tu vois Renaud qui t'a un peu calé sur le bord de l'escalier. Renaud, qu'est-ce que tu fais? Tu vois d'ailleurs frère David qui baigne dans son sang. Tu vois que les crocs l'ont transpercé quand même à divers endroits et que il va falloir vite le sortir de là, peut-être pour le faire soigner s'il veut avoir une chance de survivre. Toi, Gilles, tu vois le dernier soldat, celui qui a porté l'estocade, le coude qui vous a tiré d'affaire, qui lui s'approche de frère David et tout de suite veut essayer de lui porter secours. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais, Gilles? Qu'est-ce que tu fais, Renaud? Pardon, j'avais le micro coupé. Mais Gilles, merci d'être venu. C'est normal. Ouais, disons que on pourrait croire que c'est notre jour de chance et aussi notre pire jour, quoi. Dans le sens où... Le dragon, c'était peut-être pas la chose à trouver ici dans ces souterrains. C'est pas ce que je m'attendais à trouver non plus. Si j'ai bien compris la situation, on n'est peut-être pas sorti d'affaire, alors on devrait peut-être essayer d'avancer. On va essayer de sortir. Tu avais pris une entrée principale ou tu es passé par un autre endroit? Je suis passé par l'entrée directe de la citerne. Là où vous m'avez vu arriver. Il faut monter les marches. Et on perd du monde. Ouais. je dis, on est un peu tous fatigués de la soirée passée à, j'allais dire Byzance, mais à Constantinople. Et du coup, il faut qu'on trouve très rapidement la sortie. Et qu'on puisse rentrer rapidement aussi pour faire un peu notre rapport, parce que là on a du coup le parchemin pour arrêter. Le parchemin, c'est quoi déjà? Le parchemin en latin, le en rituel. Grec. Le rituel, voilà, oui. Le rituel. Ah, c'est okay. Moi qui l'ai. Espérons qu'il soit toujours lisible et pas couvert de sang. Ça, je laisse le frère David s'en occuper. Moi, j'ai eu ma dose de paranormal, de choses étranges, de pas normal. de para-papa normal, c'est ça? En fait, au Moyen-Âge, peut-être le mot paranormal n'existait pas, donc le mot sorcellerie serait plus adapté, tu vois. J'ai eu ma dose de sorcellerie. En effet. Après, donc vous voyez quand même le frère David qui est quand même mal en point. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de peut-être faire des premiers secours, essayer de le soigner un petit peu pour essayer de... Ah oui, mais moi je suis l'ancien des hospitaliers, je suis bête, je viens t'aider, frère David. Non, je te laisse se vider de ton sang et mourir dans d'atroces souffrances. Okay, est-ce qu'on ne pourrait pas d'abord sortir et se mettre à la brique? Il va se vider de son sang, là. Parce qu'il y a peut-être les autres là qui vont arriver, la cabale vénitienne qui essayait d'entrer. Comme vous voulez. Non, je vais quand même faire les premiers soins, frère David. On peut pas le laisser mourir. Je suis pas tranquille, alors je guette, je le laisse faire et je surveille quand même là d'où il venait si rien d'autre n'arrive. Ok. Eh ben écoute, fais-moi un jet de premiers soins, mon cher Renaud. À 13. C'est bien. Bravo. Alors, là j'avoue que c'est un truc que je sais pas trop comment ça fonctionne généralement le premier soin. En tout cas, je pense que 1 HP c'est suffisant. Hein. Normalement, je crois que c'est la stabilisation surtout plus que regagner des PV. Ouais. En techniquement, le premier soin c'est empêcher que tu meurs de tes blessures. D'accord. D'ailleurs, les implants, etc. Dans la folie furieuse de tout ça, je ne t'ai même pas dit, frère David, combien de points de vie tu avais perdu. Hein, tout ça était tellement vite, tellement... J'ai perdu 8. Eh bien, exactement. Tu étais à un point de mourir. Et du coup, ceci te permet, en gros, de récupérer un point, histoire de te stabiliser... C'est... Ouais, c'est un point de vie dans les règles, là, quand ouais. Tu cliques sur le truc. Du coup, tu passes à 2 points de vie, c'est magnifique. Tu sens que tu ne vas peut-être pas mourir aujourd'hui, mais qu'il te faudra quand même du temps pour te remettre. Tu vois que des dents ont transpercé plusieurs endroits de ton corps, peut-être un poumon, peut-être de la coigne, parce que bon, en tant que moine, tu t'es pas laissé mourir quand même de faim, donc peut-être cela t'a-t-il sauvé. Hein. En tout cas, voilà, c'est en te tenant sur le avec l'aide de Renaud, que vous commencez à sortir. Finalement, Martinus, le soldat, vient t'aider à te relever. Et Gilles vient aider frère David, enfin Renaud, à porter frère David. Et vous remontez les escaliers, petit à petit. Vous arrivez finalement à l'air libre. Ce qui vous fait énormément de bien, vous sentez une odeur plus logique, plus normale, l'odeur du brûlé, de la ville qui a brûlé, et des charniers qui embaument plus de ci, de là. Donc ça vous rassure un petit peu quand même, on va dire voilà, c'est un peu plus normal pour vous. Une bonne odeur de guerre. C'est ça. J'aime l'odeur de napalm au petit matin, quoi. Vous finissez quand même par croiser au bout d'un moment d'autres chevaliers qui viennent vous porter assistance. On fait amener une charrette et Martinus et frère David ils sont mis à l'intérieur. On va clairement vous ramener au camp de Baudouin. Tous pour peut-être un petit briefing et des soins également pour Martinus et frère David. D'ailleurs, au bout de soin, moi, on oui. m'a fait les dégâts de la lance. Ah oui, exactement. Eh bien, voilà. Tu as pris en dégâts de lance. Moi, d'ailleurs, les dégâts de la lance, c'était un D8, c'est ça? Un D8, oui. Eh bien, fais-moi un D8, Renaud, puisque c'est ta lance quelque part. N'hésite pas de relancer, hein, si jamais c'est pas ouf. Non, de toute façon, tu l'as touché, donc refais-moi un jet jusqu'à ce que. Bon, bah voilà. 4. Tu as eu 4 de dégâts, mais il y a ton armure aussi qui. Ouais, j'ai une armure de 8, du coup, j'ai pas pris. Bah, en fait, il l'a jamais touché. Non, pour le truc, ça t'a traversé quand même. D'accord. Ça t'a traversé quand même, mais. Mais sinon, on considère que c'est 4 bruts, quoi. Genre, c'est 4 en plus de. Voilà. Ça t'a traversé et ça. Tu les as mangé 4. Voilà. Tu t'es mangé 4 de dégâts parce que ça t'a traversé. Donc, voilà. Tu vas devoir avoir un petit peu de soin, quand même. Vous arrivez finalement au camp de Baudouin. Tout de suite, frère David et toi, Martinus, vous êtes pris en charge par les médecins du. Du camp qui vont essayer de vous remettre sur pied le plus rapidement possible. Renaud, tu récupères de frère David le rituel, enfin ce que vous aviez récupéré là-bas. Et donc, qu'est-ce que vous faites, frère donc, Renaud et Gilles? Donc, moi je me souviens qu'il fallait récupérer le rituel à l'église ouais. Saint-Maucus. Et apparemment. Je sais plus à quoi sert le rituel en réalité. J'ai noté l'armure en céramique recherchée ça sert par à la localiser. Voilà, c'est ça. Ça sert à localiser l'armure, enfin l'artefact. Ah, je m'en souvenais pas de ça. Je pensais que c'était un exorciste. Et également, vous avez trouvé un espèce d'objet qui était scellé. Et frère David vous a traduit ce qui était écrit sur le, ouais. sur le truc. Et en gros, c'était une malédiction si tu ouvrais. Voilà. Et du coup, on n'a pas ouvert. Mais je l'ai sur moi. Enfin, est-ce que le dragon l'a ouvert et c'est pour ça qu'il est mort? On se pose la question du coup. Peut-être. En gros, c'était celui qui l'ouvre, il meurt sur l'instant, quoi. C'était un peu ça l'affaire, quoi. C'est quand même une malédiction bien vénère, ça, quand même. C'est tentant. C'est une malédiction bien vénère. On va l'offrir à nos ennemis. C'est tentant. Tiens, ouvre, c'est un cadeau, c'est pour toi. Du coup, qu'est-ce que vous faites avec. Vous avez ce rituel, donc de l'occulte. Renaud, clairement, l'occulte, c'est pas ton dada. Tu sais que habituellement, c'est frère David. Qui s'occupe de ça, mais là il est pas trop en état. Gilles, pareil, c'est pas ton dada. Vous savez tout de même que, eh bien, une personne, elle, est apte à pouvoir s'occuper de ça. C'est le frère lépreux, hein, qui s'appelle frère Mérovac, qui lui est lui sur un bateau attaché dans le port. Et par contre, voilà, il va falloir se mêler aux lépreux. Et pour vous, c'est pas facile. Hein. Cette époque-là, il fallait être costaud pour se dire « je vais aller mélanger aux lépreux ». Qu'est-ce que vous faites? Ouais, ça va nous en coûter, ça. J'ai envie de dire, on pourrait, voilà, du temps que... On ne sera pratiquement plus là. Ouais, là c'est, on l'a perdu. On pourrait aller voir ce frère Mérovac, qu'est-ce que tu en penses? J'ai oui, dit que Renaud et moi pourrions aller. Pendant que les deux se rétablissent. C'est ça. Oui. Eh bien écoutez. C'est ça. Vous allez le voir, j'imagine. On s'introduit avec les deux et s'il y en a un qui s'approche de mon épée là quand même, hein, je vais écarter. On vous montre exactement le par où faut. Enfin, le chemin qu'il faut prendre pour aller jusqu'au bateau. Vous voyez d'ailleurs que quand vous arrivez au niveau du port, il y a une petite barque qui est à ce niveau-là. Et les gens, quand on vous allez leur, enfin, vous leur dites que vous allez voir le frère Mirobach, se signent genre plusieurs fois et vous souhaitent bonne chance. Et vous montez tous les deux dans cette barque qui vous amène sur le bateau qui est mouillé à quelques centaines de mètres du port. Vous voyez que c'est un bateau assez spécial en fait. Déjà, quand vous vous rapprochez du bateau, vous voyez que son nom est le Pestis et pas le Pastis. Hein. Ne pas confondre. Le 51. Vous voyez que c'est un le bateau pestis, de type, ça fait pestiférer un peu quand même. C'est, c'est ça. C'est un bateau de type cargo qui a été modifié et que, a priori, il a deux ponts et deux châteaux. Un à l'avant et l'autre à l'arrière. Je vais essayer de vous le montrer, de vous le. Alors, où est-ce qu'il est ce bateau? Bateau, où es-tu? Bateau de. Je n'ai pas le bateau? Si, je l'ai. Bateau des lépreux aussi. Le voilà. Voici le bateau des lépreux. Hop. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a également deux voiles et deux gouvernails. Vous voyez que sur les côtés, il y a des trous, des orifices pour pouvoir y mettre, accueillir des rames. Et que il y en a 10 de chaque côté. Donc 20 rameurs. Donc vous finissez par vous approcher du bateau et une petite échelle vous permet de monter à l'intérieur. Vous voyez que l'ambiance autour de ce bateau est assez lugubre puisque vous avez une espèce de brume très épaisse qui donne une ambiance assez assez lourde. Assez pesante. Et à ça, en sachant que vous allez voir des lépreux, bah, ça n'arrange pas l'affaire pour vous. Vous vous sentez vraiment oppressé, vous n'êtes pas à l'aise, vous transpirez même. J'ai bien envie de porter un mouchoir devant ma bouche, mais je sais pas si ça suffira. Ah bah, écoute, tu peux toujours essayer, on ne sait jamais. Vous finissez par monter à l'intérieur. Vous... Vous voyez que l'équipage est composé d'esclaves et d'autres lépreux. Vous avez tendance à peut-être longer les endroits pour essayer de ne pas trop vous rapprocher. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas des guérisseurs, des rebouteux, des soigneurs. Ouais. Pas vraiment. Vous voyez, ils sont là voués à eux-mêmes, les gars, quoi. Ouais, bon, voilà. Vous voyez que personne ne parle, que ce soit esclaves comme les autres lépreux. Vous voyez que d'ailleurs, les autres lépreux sont encapuchonnés. Ils ont des bandelettes au niveau des mains, mais ces bandelettes, elles sont assez purulentes, assez noirâtres, comme si ils étaient en train de pourrir en dessous, quoi, littéralement. Comme si du pu, Vous n'arrivez pas trop à voir vos visages. Et puis, finalement, vous voyez une personne qui s'approche de vous. Lui aussi est encapuchonné. Vous voyez pas vraiment son visage. Et vous voyez qu'il arrive avec une robe de bure noire. Et sa capuche sur la tête. Et il vous dit vous êtes... Il est pas trop près, j'espère. Ouais, j'espère aussi. Il est à 2 mètres de vous. Au pire, on pointe l'épée pour qu'il reste à distance. Pas de manière forcément menaçante, mais pour montrer une distance, distanciation sociale. Je suis Renaud de Flandre. Et vous? Il se dit ça en te regardant, Gilles. Je suis le chevalier Gilles de la Grave. Que nous vaut votre présence parmi nous? On est à la recherche du frère Merovac, s'il est toujours en vie. Ah. Alors, c'est le comte Baudouin qui vous envoie? C'est ça. Très bien. Suivez-moi. Vous voyez qu'il se retourne et qu'il commence à partir vers un des châteaux du bateau. Et il ouvre une trappe et vous voyez qu'il y a un escalier qui descend. Est-ce que vous le suivez ou pas? Oui, il faut bien. Okay, vous suivez. Vous finissez du coup par tomber dans une pièce un peu sombre, avec des bouquins un peu partout, plein de choses que vous ne sauriez décrire. C'est assez bizarre. Toujours une odeur assez dégueu en fait, mais une atmosphère assez pesante. Vous voyez qu'il s'assoit et il vous dit « Je suis le frère Merovac de l'ordre de Saint-Bartholomé. » Est-ce que vous pouvez me faire un petit test de théologie, s'il vous plaît? Alors, est-ce que j'ai ça, moi? Théologie, je l'ai vu traîner sur ma fiche. Théologie, j'ai 20. Moi, j'ai pas. Hein. Je fais 37. Alors, toi, t'as pas. Vraiment, Dieu m'appelle pas, tu vois. Eh ben, t'as pas théologie. Tant pis, t'es pas dans la théologie. T'as fait combien, toi, en théologie, Gilles? 37. Bon, ça te dit vaguement quelque chose, l'ordre des théologiens, mais pas plus que ça, en fait. Enfin, tu en as entendu parler, mais tu ne saurais pas dire vraiment de quel ordre il s'agit. Voilà. Bon, dites-moi tout. Que voulez-vous savoir? Pourquoi êtes-vous là? Nous sommes venus vous demander conseil, surtout. Nous savons que quelqu'un, un Vénitien du nom de Vernisson Ramandni, est à la recherche d'une armure en céramique. Ah. Le comte Baudouin souhaite la procurer. Oui, je suis au courant de ça, mais vous avez trouvé quelque chose de... Enfin, vous avez besoin de renseignements ou avez-vous trouvé quelque chose? Je sors le parchemin. Tu vois que quand tu sors le parchemin, son regard vient tout de suite dans la direction. Alors, tu peux pas voir son visage, mais tu vois que sa tête s'est légèrement relevée et tu vois le bas de un peu de son visage, mais qui est un peu abîmé, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que cela? C'est... Alors, je sais plus ce que c'est comme document. C'est... Il a un nom. C'est le... Vous êtes au courant du rituel qui nous permettra de le localiser. Le voici. Tu vois qu'il tend sa main dans ta direction, Renaud. Puis-je le voir? Vous serez premier. Je lui donne. Donc tu vois qu'il commence à regarder un peu le papier. Et pendant que... pendant qu'il consulte, enfin qu'il est un peu regarde tout ça, il fait écoutez, ça fait quelque temps que nous cherchons cet artefact. Qui ça? Eh bien, le comte Baudouin en premier. Nous en avons entendu parler. Avant de venir ici à Constantinople, quand nous étions à Venise. En effet, nous avons entendu qu'une cabale vénitienne du nom de la chair libérée recherchait sans relâche ce fameux artefact. Ceci vénère une déité païenne qu'on appelle l'écorché. C'est... Leurs connaissances sur le sujet leur proviennent des archives de la Rome antique. Du coup, leur savoir, est partiel. Et par moments, je pense plutôt erroné ou voire douteux. En ce qui concerne les adorateurs de la chair libérée, sachez que ce sont des matus vus. Des gens qui se font mousser, qui se croient meilleurs que les autres, mais qui au final n'ont pas de réel talent. La vraie menace, ce ne sont pas les adorateurs de la chair libérée. Mais... Sedefkar et son simulacre sont la vraie menace. Avez-vous déjà entendu parler de cet homme? Absolument pas. Je ne crois pas. J'ai jamais entendu un nom pareil aussi. Sachez que... C'est un Turc, Seljoukid, qui est assez malveillant. Il vit ici, dans la cité, en secret depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies même. C'est lui aussi un adorateur de l'écorché. Il est, lui, en possession de ce qu'on recherche, l'artefact, le simulacre. Nous devons absolument le retrouver et le tuer. C'est lui qui est à la tête de groupe. Non, ils ne sont pas, ils ne font pas partie de du même groupe. Il est lui seul ici. En gros le comment dire ça le. Le chef de son propre la tête groupe. De la tête de Turc. Par contre, prenez garde, car les artefacts qu'il utilise, il faut s'en méfier déjà, mais il faut les rapporter surtout au comte Baudouin. C'est très important. On a aussi croisé quelque chose qui pourrait peut-être vous parler. Une invocation d'un dragon. Le dragon anatolien, si vous connaissez la légende. Oh. Quelqu'un a réussi à invoquer le dragon anatolien. Mm-hmm. Je crois que on a pu en venir à bout. Mais j'ai peur qu'ils arrivent à en invoquer d'autres. Vous n'avez pas une idée ? Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un puisse le faire. Mais effectivement... C'était après... Clair. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas le genre de choses qui... Enfin, de rituel qu'il privilégie. Lui est plus dans des atrocités, des choses horribles, des bêtes immondes, mais pas à ressusciter un dragon d'Anatolie. C'est en tout cas ce que a fait cette assemblée de m'as-tu vu, comme vous dites. Mais dites, enfin. Je ne sais pas si c'est vraiment eux qui auraient pu le faire, mais écoutez, je ne pensais pas que cela serait fait. En tout cas, sachez que en ce qui concerne Sedefkar, celui-ci vénère a une vénération pour l'écorché. L'écorché est une ancienne déité païenne maléfique d'une grande cruauté. Sa simple présence peut rendre fou un homme. Sachez-le. Quant au simulacre, c'est une armure, peut-être le savez-vous déjà, en céramique. Elle accorde des pouvoirs occultes à son porteur. Si le porteur est observé sous un angle oblique, sous une lumière directe, il est possible de voir la surface de l'armure. Si on le frappe avec une force suffisante, cette armure tombera en pièces. Vous voyez que pendant qu'il dit ça, il finit toujours de à lire le rituel. Est-ce que vous voulez faire le rituel, accomplir le rituel, ou vous voulez que je m'en occupe? Je regarde. Est-ce que ça implique faire ça, je sais pas. Est-ce que frère David serait plus capable de le faire aussi? Vous savez que avec ses compétences en occulte et probablement peut-être un peu d'aide et pourquoi pas un peu d'aide de Merovac, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait être envisageable. Maintenant, vous savez aussi que frère David a un petit peu amoindri. Maintenant, vous êtes un petit peu pris par le temps, malheureusement pour vous. Bon, qu'est-ce que ça implique ce rituel? Comment il va se dérouler? Eh bien, je dois incanter des mots, enfin un texte qui est indiqué sur ce rituel afin de dévoiler la position du simulacre. Et par là même de Sedefkar. Probablement, oui. Seulement. Si je n'effectue pas le rituel de la bonne manière, nul ne sait ce qui pourrait advenir. Donc je préfère vous prévenir. Ouais, faites votre rituel. Et vous voyez que... Est-ce que tu lui as donné aussi le petit truc avec le... Le saut dessus. Ça serait pas mal de lui montrer, ouais. Renaud? Oui, tu parlais à moi? Oui, j'ai passé le truc, Bah, mais on l'avait c'est trouvé, toi hein. qui l'as. C'est toi qui l'as. Du coup, bah, il regarde ce petit On ouvre le machin saut, et. là, parce que si on ouvre le saut, on meurt, enfin, pour nous. Oui, non, mais lui, il le regarde déjà et il Ah. fait. Ah, je. Ça ne vous dérange pas si. Si Non. je regarde? Le saut? Non, que. Il y a un problème? Pourquoi il y a un problème? Si je le garde, est-ce que vous me menez, est-ce que je peux le garder? Non, Pourquoi vous vous êtes voudriez-vous toujours garder là? ça? Mais pour l'analyser, le savoir ce que cela peut être. Je ne l'ouvrirai pas, certes, mais peut-être pourrais-je trouver des choses qui me donnent un indice sur ce qu'il contient. Je regarde encore Gilles. Écoute, Je non, mais. suis assez méfiant, en fait, là, d'un coup. Ouais, Je non, le mais. jauge un peu. Je fais ressentir ma réticence. En réalité, moi je dirais que c'est plutôt frère David, mais. Qui devrait s'en occuper, ou... parce qu'il est plus à même d'aider le comte Baudouin, alors que le lépreux, bah. Bon, bref, excusez-moi, frère Mérovac. Mais je pense qu'on va reprendre l'étui si vous en avez fini. Ok, bien. Maintenant, si vous le souhaitez, nous pouvons accomplir le rituel. Ou souhaiteriez-vous attendre peut-être vos. Enfin. Je sais pas. Oui, nous préférons attendre. Si le rituel est efficace, il faudra intervenir vite. Mais nous n'avons pas encore les hommes et les moyens de le faire directement aujourd'hui. Et Ok. pour vous avouer, le combat contre le dragon nous a tous mis un peu des bâtons dans les roues. Ok. Eh bien, soit. D'ailleurs, pour info, nous sommes à quel moment de la journée? Parce que Là, peut-être que si on vous voyez s'approche du que. soir. Là, vous êtes le soir. Hein. Clairement, la nuit commence à tomber. Vous êtes éreinté après ce qui s'est passé. Moi, ça fait un La moiteur ambiante enfin, pèse lourd, et puis vous avez vos armures hein, qui, au bout d'un moment, c'est compliqué. Non, on va rentrer avec ça et nous reviendrons pour qu'on effectue le rituel avec frère David et vous. Ok. Eh bien, il vous dit bah, écoutez. Allez donc vous reposer et demain nous essaierons de faire les choses comme il se doit. Il faut à tout prix mettre la main sur ce simulacre. Nous pouvons laisser ça aux mains de CDFK. Vous partez donc assez rapidement du bateau. Vous n'avez pas envie de rester très longtemps dessus. Et vous retournez au campement du comte Baudouin. Vous allez vous reposer un maximum. La nuit va être courte, mais intense. Pendant ce temps-là, toi, frère, enfin vous, frère David et Martinus, vous avez été pris en charge par les médecins. Alors, Martinus, ils ont réussi quand même à te remettre un peu sur pied pendant la nuit. Bon, tu boitille un petit peu malgré tout hein, t'es pas complètement remis mais bon en serrant les dents peut-être que tu pourrais te remettre en chasse pour le lendemain. Par contre toi frère David c'est compliqué pour toi. Clairement, si tu voulais avoir un tant soit peu de chances de faire partie de la suite, il faudrait que peut-être plusieurs jours, voire même une bonne semaine, pour envisager à la limite commencer un peu à te déplacer avec de l'assistance quand même. Donc on te fait dire que tu vas devoir choisir, enfin c'est à toi de voir, mais on te conseille pas trop de faire des efforts. Alors je sais pas toi ce que t'en penses. Est-ce que tu vas prendre des risques ou pas? C'est-à-dire que ça je pense que les risques sont déjà pris et que à un moment avoir du repos ça serait peut-être pas mal, enfin genre s'il veut survivre un peu, enfin il y a eu des plaies assez profondes ouvertes genre de trucs où déjà t'es pas normalement censé te relever. Bon, je suis toujours là, mais disons que je suis pas pour rester non plus une semaine, mais si je peux avoir au moins un tout petit peu de repos, je pense que ça serait le plus cohérent. Bah, le lendemain, tu vois arriver à ton chevet Renaud, Gilles et Martinus. Vous le voyez allongé sur un lit de fortune avec des bandages dans tous les sens. Renaud, en gros, vient apporter la nouvelle de ce qu'ils ont pu avoir comme information du frère Mérobac. Je vous laisse en comité. Donc le lépreux nous a dit que le rituel permettrait de repérer où se trouverait l'armure. Seulement, en vrai, il nous a dit qu'il y a une menace bien pire que la secte vénitienne. Ce serait un turc du nom de Sedefkar, un certain Seljoukid, et qui apparemment serait déteneur de bien plus de reliques que ce que nous pensions. Le rituel permet de retrouver l'artefact et le frère Mérovac nous a proposé son aide pour lui effectuer le rituel. Et il était aussi très intéressé par la fameuse bobine cachetée que vous avez trouvée, qu'on a trouvée, et qu'il voulait analyser, mais j'ai préféré que de la garder pour vous. En tous les cas, frère Morvac n'avait vraiment nul besoin de ça du moment que nous avons les informations qui nous sied, on nous avons pas vraiment besoin de lui, mais j'aimerais bien qu'il fasse le rituel, vu votre état. Oui, c'est pas faux. Moi, j'ai une question pour l'OMJ. Est-ce que dans mes recherches occultes, parce que j'ai quand même une bonne base de données, le nom de Sedefkar, il m'est déjà apparu sans forcément le connaître en détail, tu vois. Mais alors, est-ce qu'une fois, j'ai entendu déjà ce nom, tu vois? Pas du tout. Ok. C'est la première fois que tu entends parler de Sedefkar. Ok, donc grand inconnu. Eh bien, sachez que, au gré de mes recherches, disons, dans ce petit, je n'ai jamais entendu le nom de Sedefkar, c'est cela? Si il vous a mis. Si vous a demandé d'être. De faire gaffe, faites gaffe. Vigilant, ouais. Oui, il nous a dit d'être méfiant. Eh bien. J'ai pleinement confiance, malgré le fait que ce soit un lépreux. Le pire qui pourrait nous arriver, c'est que la secte vénitienne s'allie avec Sedefkar, vu qu'il y prit la même déité. Oh. Oui, en effet. Mais la secte ne le connaît pas, donc. J'en ai aucune idée. Espérons. Bien, bien. Quand est-ce que vous voulez faire ce rituel? Le plus tôt possible. Ils n'auront pas si nous devions lever le siège bientôt. Effectivement, il ne faut pas traîner. J'aimerais le voir quand même. Bah, vous pouvez le traîner par les cheveux si vous voulez. Ah non, il a pas de cheveux, frère David. par la bure. on t'emmène là où on peut. Il n'y a pas des fauteuils roulants, enfin, quand je dis fauteuil roulant, c'est anachronique, mais des fauteuils en osier avec des roues, ce genre de choses. Alors, je pense pas que le fauteuil roulant soit inventé à ce moment-là. Ouais, non, amis, après, j'ai une idée pour me transporter. Je crois qu'il y avait eu justement des fauteuils en osier comme ça. Mais au pire, de toute façon, vous pouvez toujours imaginer de prendre une charrette, un cheval et mettre le frère David à l'intérieur. Tout à fait. Pour le transporter. Si vraiment, en soi, c'est tout à fait imaginable. Et auquel cas, est-ce que vous décidez de l'emmener aussi sur le bateau des lépreux pour... essayer de faire le rituel avec le frère Merovac, qui lui a des probablement des informations un peu plus étoffées peut-être que vous. Ou alors vous décidez vraiment de le faire vous tout seul. Ah non, je suis pour le faire moi personnellement en sa présence. Comme dit, j'ai complètement confiance en lui. Après tout, c'est quand même. De ce point de vue-là, un peu le bras droit du comte, donc si le comte lui fait confiance, c'est que nous pouvons lui faire confiance, donc moi je suis pour le faire avec lui. Puis de toute façon, je ne serai pas en état de le faire seul, donc s'ils arrivent à me porter pour que j'y assiste, je serai plus en assistance que... Tout à fait envisageable. Après, c'est sûr que ça ne va pas être simple en termes de logistique, mais bon... On va dire que pour des raisons scénaristiques, on va pas se faire chier non plus. Voilà, donc c'est tout à fait envisageable. De toute façon, on va prendre 3-4 soldats pour nous aider. Ouais, on prend une chaise porteuse. Hein. Enfin, une chaise porteur. En tout cas, vous arrangez pour faire transporter le frère David au mieux. La seule chose qui se passe, c'est que une fois que vous décidez de vous rendre sur le bateau, de retourner du coup sur le bateau du Pestis, le Pestis, clairement les autres soldats vous font très vite comprendre que ils vous aideront pour aller jusqu'au bateau, mais ils monteront pas dans le bateau. Oh, et les ordres. Portez quand même. Pardon. Il a demandé les ordres. Ah non, mais c'est même et pas en rêve. Hein. Ils s'en foutent. là, en gros, c'est. Enfin, après, vous pouvez comprendre ça parce que les pestifères, enfin les lépreux, c'est même vous avez quand même énormément de mal à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous pouvez tout à fait comprendre que eux. Ils ne veuillent pas monter sur le bateau. Après, ils vous aident certes à pouvoir hisser le frère David sur le bateau, mais ils ne monteront pas à l'intérieur. Ils vous attendront dans la barque en attendant. Enfin, le moyen de transport qui vous aura amené jusque là, du moins. Hey, ils sont pas cool, il y a des marches et tout là. Alors, en tout cas, vous arrivez sur le bateau. Renaud se frotte le visage pour ne pas. On va directement aller voir frère Merovac. Voilà. Mais de toute façon, frère Merovac, de toute façon, est déjà sur le pont. Hein, il vous a vu arriver. Tenez, frère David. Ah, salut. Je vois que vous m'avenez un frère bien mal en point. Vous en faites pas, il est pas contagieux. C'est bien, tant mieux. Eh bien, soit, nous allons donc pouvoir procéder au rituel. Est-ce que vous avez pu lire ou déchiffrer un petit peu ce rituel ? pas du tout. On a été attaqué par un dragon quand on l'a à peine possédé, donc le temps nous a manqué. Frère David, tu vas me faire, je suppose, puisque c'est toi qui vas t'occuper de ça un petit peu, un jet d'occulte, s'il te plaît. Ça passe, j'ai fait 17. Ok. Tu te mets à bouquiner un peu tout ça. Grâce à tes connaissances en langue, tu arrives un petit peu à déchiffrer 2-3 trucs. Conjointement avec le frère Mirobac, eh bien, et les aides qu'il va t'en donner sur l'autre partie qui est composée d'une langue que tu ne maîtrises pas vraiment. Tu finis quand même par comprendre le rituel et ça te rend assez blême. Ça te fait même froid dans le dos. À tel point que tu vas me faire un petit jet de santé mentale. Oui, chef. 36, ça passe. Alors tu vas perdre un point de santé mentale pour commencer. Je fais des réussites. Tu vois, tu comprends que pour lancer le rituel, il te faut un peu d'eau. Jusque là, c'est pas fou. Dans un bol, a priori, qui est dédié à ce genre de choses, donc pour les rituels. Mais qu'il te faut plusieurs ingrédients occultes pour le faire. Une dent de dragon. Il te faut des écailles de serpent. Ok. Des plumes noires. Ok. De la cire aux propriétés magiques. Jusque là, ça va. Sauf que dernier ingrédient qu'il te faut, ça te gêne un petit peu. Ça te gêne un petit peu parce que il te faut un peu de chair fraîche. Un peu de chair fraîche et bien sûr, il faut quelqu'un que se dévoue pour donner un peu de sa chair. La chair fraîche, ça veut dire pas celle d'un lépreux, quoi. Voilà. En sachant, pour l'instant, toi seul as lu ça, toi seul as compris. Il va falloir que... Honnêtement, je n'en parle pas. Ouais. Je dirais juste, au moment venu à Renaud, De faire ce qu'il faut au moment là, tu vois, genre je j'expliquerai au dernier moment en mode tiens, on a besoin de ta chair là. Ok. Et Renaud doit accepter, d'accord. Bah, évidemment qu'il va râler, mais je vais être en mode on n'a pas le temps, c'est occulte. Oh, c'est tombé au pif sur lui, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Bon, pas Martinus parce qu'il est blessé. Ça aurait pu être Gilles, mais désolé, Gilles, ça sera vrai. Du coup, avec tout ça, il se passe une bonne heure pendant que vous, Renaud, Martinus et Gilles, vous êtes là à discuter, vous regardez quand même d'un œil suspect un peu tous les autres, il y a des lépreux, des esclaves, vous n'êtes pas à l'aise, hein, c'est pas un endroit que vous appréciez pour y être. Hein. Donc, au bout d'un moment, vous voyez revenir... Le frère Mirovac qui vous demande de le suivre pour justement parler de ce rituel et pouvoir accomplir ce rituel mais du coup dans la pièce où vous vous étiez rendu la veille. Quand vous rentrez, vous voyez le frère David qui est assis pas trop là. Vous voyez frère David qui est assez gêné, il est pas bien, il vous regarde de manière un peu, enfin, vous sentez qu'il est pas très à l'aise et que notamment toi Renaud, tu sens, tu vois que le frère David te regarde un petit peu, mais comme s'il était gêné. Tu sais pas trop pourquoi. Non, mais je ferai aucune remarque. Ok, donc tu vois le frère Mérovac qui commence à parler. Et, écoutez, nous sommes prêts pour le rituel. Frère David et moi avons récupéré tout ce dont nous avons besoin. Tous les ingrédients sont présents. Il ne nous en manque plus qu'un seul. Et il tourne la tête vers toi, frère David. En effet, nous allons avoir besoin d'un petit morceau de chair fraîche. J'avais pensé à vous, Renaud, étant donné que vous êtes d'une meilleure constitution que nous autres ici présents. Comment ça ? Bien, vous êtes en forme, mais je pense qu'une petite blessure vous fera moins de mal qu'à moi ou qu'à Martinus. Une blessure ? Je dois donner quoi comme chair ? Un petit morceau, je suppose. Il n'y a pas marqué 2 kilos de, de chair. Je vérifie la recette quand même, cher MJ, ouais, ça va. Ouais, bah tu lui dis qu'il peut choisir ce qu'il veut, où il veut sur son okay. corps. D'ailleurs, tu lui tends un couteau de cérémonie. Super et bien acéré, bien un peu courbé comme ça, tu sais. Je lui tendrai quand il aura dit oui, quand même. D'abord, il va poser une question. Renaud, tu vois à côté de frère Mirova, frère David, un couteau de cérémonie un peu courbé comme ça, tu vois. Et d'ailleurs, tu vois que frère David tapote dessus. J'ai envie de proposer un doigt pour être raccord avec Peter Franklin, un doigt. Ouais. Je vais te couper l'oreille. Il faut donner un bout. Toi, je peux faire ce sacrifice-là. Martinus, vous avez vu dans quel état vous êtes Alors oui. Mais non, c'est que ma jambe. Je vais très bien. Comme vous le souhaitez. Nous, tout ce qu'il nous faut, c'est un morceau de chair. Après tout, de qui ça provient, ça nous ne. Vous voyez que peut-être au loin, une voix vous dit. Les textes sont clairs. C'est le prépuce, j'en ai peur. J'ai posé la question, c'était quoi ? On m'a dit qu'on avait le choix. Je suis pas d'accord. Non, mais je rigole. C'est Kinamna qui dit ça. Ah, c'était donc ça. J'ai plus le chat sous les yeux. Non, mais s'il faut donner de soi, je peux le faire. Je suis Renaud, conscient que... de notre statut et qu'il faut se sacrifier parfois, et je le ferai s'il faut. Tu vois quand même qu'un petit jeune, un bleu bite de la croisade est en train d'essayer de te sauver un petit morceau de coin, quoi. C'est... Ouais. T'es Renaud, quoi. Hein. Besoin de faire autant pour un vieux, un vétéran comme moi. Et bon... Bon, allez, c'est parti pour l'oreille, hein. Vraiment ? Bah, je sais pas, mais tu vois frère David qui te tend ce couteau. Ah, je vois frère David qui fait des mouvements de tête. Comment ça Ah non, mais tu fais de toute façon, je ne sais pas où tu veux te couper. Après, l'oreille, c'est peut-être un peu. Je sais pas, c'est peut-être pas évident. Un petit morceau de l'oreille, mais je vais pas te couper jusqu'à. Oui, jusqu'à prendre un morceau, genre la lobe. Mais quand t'as dit l'oreille, j'ai vraiment cru que t'allais. Ah, c'est vrai. Elle doit avoir un Van Gogh là. Hein. C'est bon, Van Gogh. En vrai, j'ai pensé à couper la lobe, tu sais, genre j'ai une lobe qui dépasse un peu, donc comme ça. Ouais. Alors, si j'en crois les textes sacrés, la personne qui donnera un peu de sa chair perdra un des 4 de points de vie. Vous parlez bizarrement, mon cher. Et malheureusement pour toi, t'en perds 3. Je pense le stress, l'ambiance et tout ça, tu y vas un peu fort. Et tu te tranches quasiment à peu de choses près, presque une bonne partie de l'oreille. C'est pas cool, c'est pas beau. Mais bon, ce sera un bon morceau. Hein, Renaud? On t'appellera le Van Gogh de la croisade. En tout cas, frère David, tu te retrouves avec ce morceau plus ou moins important d'oreille dans la main, qui dégouline de sang. Et vous vous apprêtez donc à faire ce truc, enfin ce rituel, pardon. Hop, j'ai plus de musique, c'est revenu. Alors, tu vas me faire, s'il te plaît, frère David, un test de sciences occultes. Eh bien, cher MJ, j'ai fait sur mon D10 un peu. Mon D100, pardon, sur mes deux D10, j'ai fait 4. C'est-à-dire que je sais exactement ce qui se passe, je crois. Vous voyez que frère Mérovac et frère David incantent des choses, mélangent les ingrédients d'une telle manière, dans un ordre plus ou moins précis. Enfin, pour vous, ça n'a rien, pas de sens, mais vous voyez que pour eux, c'est très réfléchi. Hein, ils mettent beaucoup de minutie dans ce qu'ils font. Des mots sont prononcés dans une langue que vous ne comprenez absolument pas. En russe. Et vous voyez qu'il se passe quelque chose d'assez incroyable, en gros. Dans ce bol d'incantation rituelle flotte tout plein de choses et se mélange tout plein de choses. Vous voyez que quelque chose se dessine avec l'ondulation, vous voyez, de l'eau, et que plus l'eau se calme et s'apaise, et plus l'image s'affine. Et avec, au début vous n'en croyez pas vraiment vos yeux, mais vous voyez se matérialiser une image d'une tour rouge sang. En gros, clairement, c'est, vous voyez, la ville, en fait, la cité de Constantinople, et s'affiner, en gros, une image nette, comme si vous aviez une vidéo, en fait, sauf qu'il n'est pas encore, c'est pas encore le moment, tu vois. Mais vous voyez dans le reflet de l'eau. Frère Mérovac vous dit c'est la tour rouge sang qui se trouve près de la corne d'or au nord de la ville. Est-ce que certains d'entre vous ont la compétence orientation? Je l'ai, ça. Aucune idée, faut que je regarde. Ouais, moi, je l'ai. Mais avant, c'est possible. Non, moi, je ne l'ai pas. Par contre, j'avais théologie. Bien, ceux qui ont orientation, faites-moi s'il vous plaît un petit test d'orientation. C'est pas mal. Oh, Sinus, Renault. Et toi, Gilles, tu l'avais ? On a dû faire ces G là. 94. Ok. Bon, pour toi, Gilles, bon, ce qui vient de se passer, ça a laissé quand même songeur. T'es un peu troublé par ce qui se passe. Tu t'es déjà digéré le truc que tu viens de voir dans l'eau, une image nette, comme si tu avais le truc en face de toi, quoi. Par contre, toi, Renaud, et toi, Martinus, effectivement, eh bien, vous arrivez tout à fait à visualiser où c'est. Vous avez eu l'occasion de le voir lorsque vous étiez en bateau en arrivant sur la ville de Constantinople au moment où vous alliez aborder pour l'attaque, hein, il y a ça deux trois jours. Donc oui, vous visualisez clairement le lieu où c'est. Donc en gros, vous savez que c'est là que se trouve le simulacre du diable. Et donc, c'est Defka. Bien ma foi, mes amis, je pense que vous savez où vous allez devoir aller. Par contre, je pense qu'il serait intéressant de ne pas y aller seul. C'est Defka est un homme très puissant. Et il risque de vous mettre des bâtons dans les roues et peut-être allez-vous devoir affronter le mal pour pouvoir le récupérer. Cher David, je ne sais pas si vous serez vraiment en état de pouvoir faire cela. Enfin, je pourrais peut-être utiliser un process pour vous aider, mais sachez que cela ne serait que temporaire et toute blessure qui pourrait vous arriver pourrait vous tuer assez rapidement, donc c'est à vous de voir. J'ai conscience des risques et je préfère y être. Faites ce que vous pouvez. Bien. Soit, je vais vous demander, messieurs, de bien vouloir nous laisser pendant que je m'occupe de frère David. Vous vous attempérez, vous voulez pas bouger. Vous partez. Très bien. Je sors, je quitte la pièce. Du coup, vous retrouvez sur le pont du bateau et vous attendez à peu près une 15-20 minutes. Et vous voyez de façon assez folle, c'est incroyable, le frère David sortir en marchant. Donc c'est pratiquement une résurrection. Comme si il n'avait pas eu de soucis particuliers. Vous voyez, voilà. C'est pour cela qu'il faut faire confiance en ceux en qui le compte a confiance. Eh bien, frère David, j'espère que vous avez retenu la recette. Étant donné que je risque de m'effondrer au premier coup, je pense que elle me sera pas très utile. Tu ne sais pas trop, frère David, ce qu'il t'a fait. Tout ce que tu sais, c'est que il a fait quelque chose qui a fait que tu t'es endormi et tu t'es réveillé comme ça. Alors certes, t'es toujours un petit peu mal en point, enfin tu sens des douleurs par-ci par-là, mais tu sens que tu as retrouvé des capacités tout à fait normales presque d'avant tes blessures. Parfait. Que c'est vous pas un doppelganger, on apprend si le mec il a pris son identité. De quoi ? Quoi ? Comme les gens d'Allemagne, genre le mec il s'est transformé en frère David. Et en fait, on va se rendre compte qu'il prend son âme de la main gauche au lieu de la main droite, et là on va être. Ah. Si je peux me permettre, je vous rappelle qu'ils ont volé un morceau de peau à frère David. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, attends, maintenant que je suis soigné, je reviens en couleur. Ah. Vous descendez du coup du bateau, vous retournez au niveau du quai et. Eh bien, il va falloir du coup vous préparer pour vous diriger vers eh bien, la tour, la fameuse tour qui se trouve dans la corne d'or. Alors, quelle va être votre stratégie ? Allez-vous foncer, tête baissée tous les quatre, au devant du danger, ou alors est-ce que vous décidez de faire autrement ? Il nous a conseillé de ne pas y aller seul, donc on va prendre un minimum quelques hommes avec nous déjà. Bah, vous savez pas si c'est vraiment une coïncidence ou pas, mais vous voyez que il y a trois chevaliers et 10 soldats qui s'approchent de vous. Ah. Un des chevaliers s'approche et il se dit bonjour, nous sommes des hommes de Boniface et nous avons été envoyés ici pour vous porter assistance et vous aider dans ce que vous avez à faire. Eh bien, vous tombez à pic. Sachez que nous avons entendu que des Grecs, disent que c'est pas ça du tout, mais des Grecs en fait nous attaquent tout un peu partout et nous tuent nos hommes. De par-ci par-là, je crois. On en a perdu pas mal, quasiment une douzaine de personnes. Du coup, je pense qu'il faut qu'on reste unis et qu'on essaye de faire attention pendant que nous ferons ce que nous devons faire. D'ailleurs. Nous avons trouvé des lambeaux de peau d'un de nos soldats. Et je pense que c'est probablement un sorcier grec, hérétique, probablement, qui a fait ça. Et je suis sûr que, d'ailleurs, qu'on nous cache des choses, soit Baudouin ou le doge de Venise, je suis persuadé qu'il nous cache quelque chose. Très bien. Ça fait un peu complotiste. Écoutez, nous, notre camp, il est sur la rive sud de la Corne d'Or, face à Péra. On a fouillé toute la zone, mais on n'a rien trouvé. Du coup, est-ce que on peut se joindre à vous pour essayer de les trouver, enfin voilà quoi. Ouais, pourquoi pas. Ok, eh bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On vous suit ? On fait quoi ? On va où ? On va examiner les lieux. On va passer au peigne fin. On va aller voir. Alors déjà, alors rappelez-moi la tour rouge, c'est ça? La tour de sang. La tour de sang. On la voit d'ici ou? Alors vous voyez effectivement au loin quelque chose qui ressemblerait à une tour. Alors de là où vous êtes, c'est quand même compliqué de voir si elle est couleur rouge sang ou pas. Mais effectivement, il y a une tour au loin là-bas, plus au nord. Si j'ai bien compris, c'est cette tour qui s'appelle la Corne d'Or. Non, alors, la Corne d'Or. La Corne d'Or, c'est, la pointe en gros de la ville de Constantinople, en fait, qui on appelle comme ça en fait, la Corne d'Or. D'accord. Donc elle se trouve à ce niveau-là. Ok. Voilà. En tout cas, ce qui se passe, c'est que vous vous dirigez tous avec ces 13 personnes supplémentaires en direction de la tour rouge de sang. Vous voyez que au fur et à mesure que vous avancez dans la direction du secteur, toujours une ville ravagée, des charniers, des gens qui sont groggy, avec leurs habits déchirés, voire nus, des enfants qui errent seuls, des chiens des meutes de chiens, voilà, qui bouffent des cadavres à même le sol, des bâtiments en feu, des bâtiments détruits. Et plus vous avancez, plus vous sentez que l'ambiance est pesante et morbide. Et c'est dans cette ambiance morbide et sanglante que nous allons nous arrêter là pour ce soir. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que les heures qui vont arriver, ça va être très difficile pour vous.